Je descendis ainsi du premier cercle dans le second, qui enclôt moins d'espace, mais douleur plus poignante et plus de cris. Minos s'y tient horriblement et grogne. Il examine les fautes à l'arrivée, juge et bannit suivant les tours. J'entends que quand l'âme mal née vient devant lui, elle se confesse toute. Et ce connaisseur de péché voit quel lieu lui convient dans l'enfer. De sa queue, il s'entoure autant de fois qu'il veut que de degrés l'âme descende. Elles se présentent en foule devant lui et vont l'une après l'autre au jugement. Elles parlent, entendent et tombent. Ô toi qui viens à l'hospice de douleur, me dit Minos. Quand il me vit, en oubliant de remplir son office, vois comme tu entres et à qui tu te fies, que l'ampleur de l'entrée ne t'abuse. Alors mon guide, pourquoi cries-tu? N'empêche pas son voyage fatal. On veut ainsi là où l'on peut. Ce que l'on veut et ne demande pas davantage. À présent, commencent les notes douloureuses à se faire entendre. À présent, je suis venu là où les pleurs me frappent. Je vins en un lieu où la lumière se tait, mugissant comme mer et tempête. Quand elle est battue par vent contraire, la tourmente infernale, qui n'a pas de repos, mène les ombres avec sa rage. Et les tourne, et les heurte, et les harcèle. Quand elles arrivent devant l'éboulis, là sont les cris, les pleurs, les plaintes. Là, elles blasphèment la vertu divine, et je compris qu'un tel tourment était le sort des pécheurs charnels, qui soumettent la raison aux appétits. Tout comme leurs ailes portent les étourneaux, dans le temps froid, en vol nombreux, ainsi ce souffle mène, de ça, de là, de haut en bas, les esprits mauvais. Aucun espoir ne les conforte, d'aucun repos, et même de moindre peine. Et comme les grues vont chantant leurs complaintes, en formant dans l'air une longue ligne, ainsi je vis venir, poussant des cris, les ombres portées par ce grand vent. Alors je dis, Maître, qui sont ceux-là qui sont ainsi châtiés par l'air noir? La première de ceux dont tu voudrais savoir quelques nouvelles, me dit-il alors, fut impératrice de nombreux langages. Au vice de luxure, elle fut si rouée qu'elle fit dans sa loi la licence licite, afin d'ôter le blâme où elle était conduite. Elle est Sémiramis, dont on peut lire qu'elle fut épouse de Ninus, et puis lui succéda, elle tint la terre que le sultan gouverne. La suivante est celle-ci qui se tua par amour en trahissant les cendres de Cichée. Puis vint la luxurieuse Cléopâtre, tu vois Hélène, par qui advint un si long malheur, tu vois le grand Achille qui combattit à la fin contre Amour. Tu vois Paris, Tristan, ainsi il m'en montra et m'en désigna du doigt plus de mille qu'amour ôta de notre vie. Quand j'eus ainsi découvert mon docteur, nommé les dames que de jadis et les cavaliers, pitié me prit. Et je devins comme égaré. Je commençai. Poète, volontiers, je parlerai à ces deux-ci qui vont ensemble. Et qui semble si léger dans le vent. Et lui à moi, tu les verras quand ils seront plus près de nous. Alors prie-les, par l'amour qui les mène, et ils viendront, dès que le vent vers nous les plie. Je leur dis ces mots. Ô âme tourmentée, venez nous parler si nul ne le défend. Comme colombe à l'appel du désir viennent par l'air les ailes droites et fixes vers le doux nid, portées par le vouloir. Ainsi de la compagnie de Didon, Ils s'éloignèrent, venant vers nous, dans l'air malin, si fort, fut mon cri affectueux. Ô créature gracieuse et bienveillante qui vient nous visiter par l'air sombre, nous dont les sangs teignit la terre, si le roi de l'univers était notre ami, nous le prierons pour nous le prierions pour ton bonheur, puisque tu as pitié de notre mal pervers, de tout ce qu'il vous plaît d'entendre et de dire. Nous entendrons et nous vous parlerons, tandis que le vent, comme il fait, s'adoucit. La terre où je suis né se trouve au bord de ce rivage où le Pô vient descendre pour être en paix avec ses affluents. Amour, qui s'apprend vite au noble cœur, prit celui-ci de la belle personne que j'étais. Et la manière me touche encore. Amour, qui force toute aimée à aimer en retour, me prit si fort de la douceur de celui-ci que, comme tu vois, il ne me laisse pas. Amour nous a conduits à une mort unique, la Caïne. Attends celui qui nous tua. Tels furent les mots qu'ils nous offrirent. Quand j'entendis ces âmes blessées, je baissai le visage et le gardai si bas que le poète me dit « Que penses-tu ? » Quand je lui répondis, je commençai. Hélas, que de douces pensées et quels désirs les ont menées au douloureux trépas. Puis je me retournai vers eux et je leur dis, pour commencer, « Francesca, tes martyrs me font triste et pieux à pleurer. Mais dis-moi, du temps des doux soupirs, à quel signe et comment permis, amour, que vous connaissiez vos incertains désirs ? » Et elle, il n'est pas de plus grande douleur que de se souvenir des temps heureux dans la misère. Et ton docteur le sait. Mais si tu as telle envie de connaître la racine première de notre amour, nous lisions un jour par agrément de Lancelot comment amour le prit. Nous étions seuls et sans aucun soupçon. Plusieurs fois, la lecture nous fit lever les yeux et décolora nos visages. Mais un seul point fut ce qui nous vainquit. Lorsque nous vîmes le rire désiré être baisé par tel amant, celui-ci, qui jamais ne sera loin de moi, me baisa la bouche tout tremblant. Galeo fut le livre et celui qui le fit. Ce jour-là, nous ne l'eûmes pas plus avant. Pendant que l'un des deux esprits parlait ainsi, l'autre pleurait, si bien que de pitié, je m'évanouis comme si je mourais, et je tombais comme tombe un corps mort.